ma guéguerre. Je n'avais pas compris pourquoi tu avais donné ta vie pour moi. Aujourd'hui je sais que tu es mon roi. Oh oui, je crois. Je n'avais pas compris pourquoi tu avais donné ta vie pour moi. Aujourd'hui je sais que tu es mon roi. Oh oui, je crois. Seigneur, aujourd'hui je veux saisir cette chance. Tu m'as permis d'arrêter d'être distante. Seigneur, aujourd'hui je te donne toute ma vie. Je n'arrêterai pas de tu es mon roi, oh oui je crois.